Chapitre 6. La mémoire. Ophélie ne dormait pas. Elle ouvrait et refermait la montre de Thorn sans la regarder, juste pour entendre le cliquetis familier du couvercle. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Recroquevillée sur elle-même, elle avait rejeté tous les draps du lit et écarquillé ses yeux myopes sur les taches de lumière qui scintillaient dans l'entrebâillement de la moustiquaire, incapable de déterminer où commençaient les étoiles et où finissaient les lampadaires. La brise s'engouffrait par la fenêtre, diffusant dans la chambre le parfum frais des eucalyptus. Les stridulations des grillons ondulaient à la surface de la nuit. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ophélie tremblait. Le soleil avait brûlé la peau de son visage, elle se sentait pourtant glacée. Le gouffre au fond de son corps prenait cette nuit des proportions vertigineuses, comme si ce n'était plus seulement Thorn qui avait disparu de sa vie, mais un morceau d'elle-même. Elle sentait l'air nocturne sur sa nuque, là où il y avait, avant ses longs cheveux indociles, sa vieille écharpe paresseuse et parfois, en de rares occasions, la caresse un peu rude de la tante Roseline. Tac, tac, tac, tac, tac. Et si Ophélie s'était trompée d'arche? S'il n'y avait aucun rapport entre la statue décapitée du mémorial et le soldat sans tête de sa vision? Si la seule piste qu'elle détenait était une impasse? Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Elle ne dormait toujours pas quand l'aube fit pâlir le ciel et bourdonner la végétation, mais la lumière du jour lui rendit sa détermination. Je vais récupérer mon écharpe, enquêter au mémorial et trouver un gagne-pain, déclara-t-elle au miroir de sa chambre. Elle passa les doigts dans ses boucles qui avaient doublé de volume pendant la nuit, formant une auréole sauvage autour de son visage. Le soleil de Babel avait rendu ses joues écarlates. Enfiler ses nouveaux vêtements lui réclama beaucoup de persévérance, malgré l'assistance d'un domestique mécanique. Il lui fallut plier et enrouler une longue toge par-dessus sa tunique de façon à faire passer un pan entre les jambes et dégager une épaule. Une fibule, un serre-taille et une ceinture permettaient de maintenir l'ensemble en place, mais Ophélie avait l'impression qu'au premier faux mouvement, tout cet équilibre de tissu serait rompu et retomberait à ses pieds. Elle se sentit plus gauche que d'habitude quand elle rejoignit Ambroise sous le portique de l'entrée. Abandonné contre le dossier de son fauteuil, il fermait les paupières comme pour mieux accueillir l'air matinal exhalé par les bassins de nénuphars. Le vent faisait onduler le voile de son turban. Son profil doré aux longs cils était d'une telle délicatesse qu'il faisait oublier l'étrange difformité de son corps. Il n'ouvrit pas tout de suite les yeux lorsqu'Ophélie s'approcha de lui, mais ses lèvres se plièrent en sourire. J'aime entendre vos pas dans la maison, Miss Ellerly. Il n'en fallut pas davantage à Ophélie pour avoir honte de s'être sentie seule auprès d'une personne qui l'était bien plus qu'elle, de lui poser des questions sans jamais répondre aux siennes, de ne lui avoir donné ni son véritable nom ni sa véritable histoire, de ne pas avoir l'intention d'y remédier. Ambroise scruta Ophélie à travers la pénombre du portique et eut un hochement de tête appréciateur. « Félicitations. Vous voilà devenue une authentique Babylienne. J'ai une surprise pour vous. Jasper ?» Un majordome mécanique se détacha des mannequins alignés en rang devant la porte d'entrée. Ophélie se précipita sur lui dès qu'elle vit ce que suspendait son bras articulé. « Mon sac ! Mais comment ? » ?»« J'ai envoyé hier soir un pneumatique à la compagnie des tramways de la cité, » dit Ambroise. « J'ai signalé la perte de vos affaires. » Un coursier est venu tôt ce matin pour les déposer ici. Je vous avais bien dit que l'honnêteté était chez nous, un devoir civique. Que vous arrive-t-il? Ophélie s'était figée en plein mouvement, cramponnée à sa besace ouverte en grand, les lunettes bleuies. Mon écharpe n'y est pas, murmura-t-elle. Est-ce qu'on vous l'a rapportée aussi? Elle est tricolore, assez longue, un peu froussarde. Ambroise parut déconcerté par la réaction d'Ophélie, dont il espérait plutôt une explosion de joie. « Well, il n'y avait rien d'autre. Vos papiers n'y sont pas non plus. »« Si, ils y sont. Elle avait la gorge tellement serrée que sa voix s'y étrangla. Quelqu'un avait dû ouvrir la besace et l'écharpe s'en était échappée, ou pire, elle avait été volée. « Je dois partir à sa recherche », fut la première pensée d'Ophélie. Placarder des avis sur tous les murs, interroger les gens, fouiller chaque recoin. Non, elle ne le pouvait pas. Si elle avait caché l'écharpe, c'était justement pour ne pas attirer l'attention. Aussi cruelle que fût cette décision, elle devait s'en tenir au plan. « Je suis désolée, » bredouilla Ambroise. « Vous semblez accorder de l'importance à cet objet ?» Ophélie évita de le regarder en face, tandis qu'elle enfilait la bandoulière de sa besace. Comment aurait-elle pu lui faire comprendre que l'écharpe était beaucoup plus qu'un objet ? Comment aurait-elle pu lui expliquer qu'elle lui avait donné la vie et qu'elle la lui devait en retour ?« Merci, » dit-elle d'une voix épaisse. « Vous m'avez été d'une aide considérable à présent. Je dois me rendre au mémorial. » Après un silence gêné, Ambroise tourna la manivelle de son fauteuil. « Je vous conduis, miss. Montez. » Le soleil se levait sur Babel, transperçant à grandes lames les dernières brumes matinales et projetant l'ombre des arcades sur les pavés. Le fauteuil d'Ambroise passa des petites ruelles obscures aux vastes places claires, évitant la jungle des jardins et la poussière des chantiers. Installée sur le marchepied arrière, Ophélie posait un regard lugubre sur la foule autour d'eux. Parmi ses toges, ses cafetans, ses tuniques, ses châles, ses sarouels, ses ceintures, ses babouches, ses turbans, ses ombrelles, où était son écharpe? Aucune des merveilles que lui montra Ambroise ne put la sortir de sa morosité, ni les grandes cascades de la pyramide, ni les statues monumentales d'Hélène et de Pollux, ni l'agora et son imposant amphithéâtre, ni les potences factures du centre où se réunissaient chaque jour les meilleurs ingénieurs de toutes les arches. L'intérêt d'Ophélie se porta uniquement sur l'emblème en forme de soleil de luxe, gravé dans le marbre de chaque édifice, placardé sur les colonnes de chaque forum. Elle l'avait même remarqué sur le revers de sa toge, cousu en fil d'or. « Qui est luxe ?» demanda-t-elle, essoufflée. Elle était en train de pousser le fauteuil d'Ambroise pour l'aider à monter une interminable rampe. Ce n'était pas une tâche facile. Elle dérapait sur les aiguilles que les pins parasols, secoués par un vent brûlant, déversaient en pluie sur les pavés. « Une très ancienne institution, miss. Ce sont des mécènes qui mettent leurs moyens au service de toutes les productions jugées d'utilité publique, d'authentiques philanthropes. » Ophélie frotta contre un pavé une boule de résine qui s'était collée à sa sandale. Des philanthropes qui avaient quand même leur signature sur tous les murs de la ville. J'en déduis qu'ils sont plutôt influents. On peut le dire, oui. Ils président à l'hôtel de la Monnaie, au Familistère et à la Cour de justice. Les lords de luxe ne sont pas seulement au service de la cité, miss. Ils sont la cité. Sir Pollux et Lady Helen, en personne, ne prennent aucune décision importante sans les consulter. Ce sont également eux qui ont mis en place l'index dont je vous ai parlé. Vous savez, l'interdiction de mentionner tout ce qui a un rapport avec, well, la guerre, murmura-t-il très bas. Il n'en fallut pas davantage à Ophélie pour comprendre que les lords de luxe étaient à Babel ce que les doyennes étaient à Anima, des tuteurs au service de Dieu. Si leur mainmise sur l'arche était aussi absolue que les explications d'Ambroise le laissaient supposer, elle devrait redoubler de vigilance pour échapper à leur attention. Tout à ses pensées, elle sursauta quand elle reçut en pleine figure une plume si grande qu'elle claqua bruyamment contre le verre de ses lunettes. La rampe qu'il venait de gravir débouchait sur une immense terrasse, surplombant le vide. Au-delà des larges balustres de pierre, le ciel s'étendait à l'infini. La terrasse se prolongeait en un pont ferroviaire sur lequel était engagé un train, avec les nuages pour unique destination. Les derniers voyageurs s'engouffraient en toute hâte dans les wagons. « Nous sommes pile à l'heure, » dit Ambroise avec un sourire pour l'horloge du quai. « Dépêchons-nous de monter. » Ophélie eut du mal à lui obéir. Elle ne pouvait détacher ses yeux des gigantesques volatiles perchés sur les toits du train. Un totémiste reconnaissable à sa peau de nuit et à ses cheveux d'or circulait entre eux pour vérifier leur attelage. « Ce sont des bêtes ?» Ambroise attendit d'avoir réussi à introduire son fauteuil dans le wagon le plus proche pour répondre à Ophélie. « Des chimères, miss, » dit-il en pointant leurs deux cartes de transport dans l'horodateur de bord. « Elles ont la puissance du condor et la docilité du canari. » Le chef de gare siffla et des crissements produits par les serres des oiseaux sur les toits résonnèrent à travers le métal. Comme toutes les banquettes étaient occupées, Ophélie s'accrocha instinctivement au fauteuil d'Ambroise. « Mais un train, ce n'est pas un peu lourd pour des oiseaux ?»« Bien sûr que si, » dit Ambroise à sa plus vive inquiétude. « Il ne le porte pas, il le propulse. Les trois morceaux sont placés en état d'apesanteur. La pire chose qu'il pourrait nous arriver, si les oiseaux cessaient de voler, ce serait de rester suspendu en plein ciel. Cela n'arrivera pas, assura-t-il en désignant une femme au crâne rasé qui circulait entre les banquettes des passagers. Il y a toujours des cyclopéens à bord pour contrôler les champs gravitationnels. Rassurée, miss? Presque. Ophélie s'appuya à une vitre alors que le train glissait dans les airs avec des grincements métalliques. Elle aperçut le battement puissant d'une aile en haut, puis les lents tourbillons nuageux en bas. Cette expérience lui rappelait, en plus impressionnante encore, celle des traîneaux aériens de la Citatielle. Voyant que le tramoiseau ne sombrait pas dans le vide, elle finit par se détendre et observer les voyageurs qui, avec l'indifférence des habitués, accordaient plus d'intérêt à leurs livres qu'au paysage. Elle les trouva tous étonnamment jeunes et sérieux, si concentré que personne ne parlait à personne. « Des étudiants !» chuchota Ambroise. « Ce tramoiseau desservira les 5 académies et le conservatoire des virtuoses avant d'arriver au mémorial. Nous avons donc du temps devant nous. Saviez-vous que plusieurs explorations ont été tentées dans le vide, entre les arches ? » demanda-t-il à brûle-pourpoint. Il paraît qu'aucun être vivant ne peut s'y attarder au-delà de quelques heures. Plus on s'y enfonce, pire c'est. Même les oiseaux ne s'y risquent pas. Il y a de l'oxygène en suffisance, mais il n'empêche, c'est physiquement intolérable. Mon père s'est prêté lui-même à l'expérience, avec un scaphandre de son invention. Il voulait prendre une photographie du noyau du monde, vous savez, là où il y a les orages perpétuels. Il a tenu 6 heures et 39 minutes. Il m'a avoué que c'était les 6 heures et 39 minutes les plus éprouvantes de toute sa vie, comme s'il y avait une force qui n'avait pas voulu de lui en dessous. Vous ne trouvez pas cela extraordinaire, Miss Ullaly? Notre planète entière semble vouloir nous rappeler qu'auparavant, tout ce creux était plein. Mon père trouve ça dommage, car il serait beaucoup plus rapide pour lui de voyager d'une arche à l'autre en traversant le vide en ligne droite, sans avoir à respecter la courbure de l'ancien monde. « Ah !» fit poliment Ophélie. En vérité, elle était beaucoup trop obsédée par sa rencontre avec le soldat sans tête pour écouter. Ambroise contemplait le ciel à travers la vitre avec une fascination enfantine et ses mains inversées se cramponnaient d'excitation à son fauteuil. D'ailleurs, saviez-vous aussi que les arches ne respectent pas les lois gravitationnelles? Tous les corps célestes se déplacent les uns par rapport aux autres en fonction de leur force d'attraction, tous, sauf les arches. Elles gardent entre elles une position absolue et tournent toutes ensemble, exactement au même rythme, comme si elles continuaient de former un seul et même corps céleste. C'est ce que les scientifiques appellent la mémoire planétaire. Ophélie se demanda ce que les scientifiques penseraient s'ils apprenaient que l'éclatement du monde était dû à une créature apocalyptique enfermée dans un miroir. Ambroise continua de faire la conversation pour deux et il ne se tut qu'une fois qu'ils furent arrivés à destination. Ophélie abrita ses lunettes du soleil lorsqu'il lui fallut pencher la tête en arrière pour embrasser du regard la tour du mémorial. Sa taille était si écrasante, son dôme en verre si éblouissant, qu'on aurait dit un phare destiné à éclairer le monde. La petite arche qui lui servait de nichoir était d'une proportion ridicule en comparaison. Il paraissait complètement fou d'avoir reconstruit au-dessus du vide cette moitié de tour qui s'était autrefois effondrée. Des centaines de singes bondissaient sur les lianes entortillées autour des pierres sculptées, puis disparaissaient dans les nuages environnants. Ophélie s'avança sur le parvis jusqu'à être engloutie dans l'ombre du mémorial. La statue décapitée était là. Elle se tenait exactement comme sur la carte postale, juste devant les grandes baies vitrées de l'entrée. « C'est ce que vous cherchiez ?» demanda Ambroise. Elle ne répondit pas immédiatement. À présent qu'elle contemplait cette statue de près, l'évidence lui sautait aux yeux. Elle ne ressemblait pas au soldat sans tête de sa vision. Elle ne ressemblait pas à un soldat tout court. Elle ressemblait à peine à un homme. Elle n'était plus qu'une silhouette informe rongée par l'érosion et ensevelie sous les lianes. L'embout en fer forgé de sa botte émergeait de la végétation, plus patiné et plus clair que le reste du corps. « C'est un monument public, n'est-ce pas ?»« Oui, miss. » Ambroise avait paru déconcerté par la question d'Ophélie, et il le fut davantage quand elle lui confia sa besace, puis ôta ses gants. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne à part eux sur le parvis, elle frotta ses paumes l'une contre l'autre pour dissiper leur moiteur, tandis qu'elle s'approchait de la statue. Un frisson de fébrilité lui parcourut la colonne vertébrale, comme chaque fois qu'elle s'apprêtait à remonter le temps. Elle respira profondément, et à chaque inspiration, elle s'oublia petit à petit. Elle oublia l'appréhension, elle oublia la chaleur, elle oublia jusqu'à la raison de sa présence ici. Et quand elle fut vide d'elle-même, elle posa les mains sur la botte de la statue. L'ombre du mémorial reflua comme une marée, tandis que le soleil faisait marche arrière dans le ciel. Le jour céda la place à la nuit, aujourd'hui devint hier, et le temps explosa sous les doigts d'Ophélie. Ce n'étaient plus ses doigts à elle, c'étaient des centaines, des milliers d'autres doigts qui caressaient la botte de la statue, jour avant jour, année avant année, siècle avant siècle. Pour porter chance, pour réussir, pour guérir, pour de rire, pour grandir, pour survivre. Et soudain, alors qu'Ophélie se diluait dans cette foule de mains anonymes, elle retrouva ses mains à elle. Ou plutôt, des mains qui étaient les siennes, sans être les siennes. Et ce fut à travers des yeux qui étaient les siens, sans être les siens, qu'elle observa la statue. D'un métal brillant, le soldat brandissait fièrement son fusil sous les mimosas en fleurs, sa tête emportée par l'obus qui avait détruit le porche de l'école derrière lui. « Il sera une fois dans pas si longtemps un monde qui vivra enfin en paix. »« Miss ?» s'inquiéta Ambroise en approchant son fauteuil. Ophélie contempla ses mains, vraiment les siennes cette fois, secouées de tremblements. Ça avait recommencé. Elle avait pénétré le passé de Dieu comme si cela avait été son propre passé. Elle releva le visage vers la tour du mémorial qui se dressait à la place de l'école, détruite par la guerre. Les mimosas étaient toujours là, bordant l'allée centrale. Ophélie ne les avait pas reconnus parce que ce n'était tout simplement pas encore la saison de la floraison. Le soldat sans tête, les mimosas dorés, l'ancienne école. C'est ici, murmura-t-elle. Ici qu'elle marcherait dans les pas de Dieu. Ici qu'elle marcherait dans les pas de Thorne.